Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici le sommaire. C'est la désolation totale des habitants du quartier Kamesa en zone Moussaga, commune Moura, en mairie de Bujumbura. C'est suite à la rivière Kanyosha qui a emporté leurs maisons, les maisons longeant cette rivière. C'était dans la nuit de ce mardi. Et à ce propos, des digues vont bientôt être construites en zone Gatumba, qui est une zone à risque d'inondation répétitive. L'annonce est du président de la plateforme pour la prévention et la gestion des catastrophes. Toutes les agences de voyage aérien opérant au Burundi sont tenues d'avoir une carte d'agrément. Les frais d'acquisition de cette carte sont fixés à 1 000 $ américains pour les agences de voyage étrangères aériens et 1 million de francs bouts pour les agences locales. Et dans ce journal, dont la chronique parle rassure-moi, les gens devraient aller au-delà des différences et considérer plutôt ce qui les unit, tel que le dit le chercheur en histoire Eric Ndaïsaba, qui va donner plus de précisions. Voilà pour l'essentiel de ce journal présenté par Aïssel Liane Inamaoré, mise en onde par Séraphine Akidziman. Encore une fois, bienvenue. Toutes les agences de voyage aérien opérant au Burundi sont tenues d'avoir une carte d'agrément. Le délai d'acquisition de cette dernière est jusqu'au 31 mars courant. Dans une réunion à l'endroit des responsables de ces agences, ce mercredi, Innocent Nivi, directeur général des transports, a indiqué que les frais d'acquisition de cette carte sont fixés à 1 000 $américains pour les agences de voyage étrangères aériennes et à 1 000 000 de francs burundais pour une agence nationale de voyages aériens. Suivez Innocent Nibi, directeur général des transports. L'augmentation pour l'obtention de la carte d'agrément des agences de voyage aériennes. C'est une nouveauté au Burundi parce que les agences de voyage aériennes au Burundi, on ne connaissait pas là où on peut les trouver. Et ils travaillaient suivant une réglementation sans connaître là où était le droit d'ouverture. C'est dans cette optique qu'a été mise en place une ordonnance conjointe du ministre des Transports dans ses attributions et le ministre des Finances dans ses attributions. Une ordonnance qui va réguler l'octroi de permis de travail pour ces agences de voyage aérien. Ils sont de deux types. Il y a les agences de voyage aérien étrangères qui doivent payer 1 000 $ et les agences de voyage aérien de droit national qui doivent payer 1 million de francs bouts. Et après, le ministère va délivrer une carte d'agrément qui aura une validité d'une année. Nous comptons aussi mettre en place une réglementation sous forme d'autorité de régulation qui aura pour mission de réguler le transport aérien, surtout les agences de voyage. Ici au Burundi, on a enregistré à peu près 143 agences, mais qu'on ne voit pas comment ils travaillent. Donc, dans l'optique de contribuer au développement du pays, on doit les connaître et puis c'est à elles de soumettre les préoccupations et les défis pour que le ministère puisse les aider à les surmonter. Et toujours dans le domaine des transports, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM en sigle, estime que les produits pétroliers qui entrent au Burundi ne sont pas sains. Gabriel Ruffini, président de cet observatoire, qui le dit, trouve que cela impacte négativement l'environnement. Il invite le gouvernement à veiller à la qualité des produits pétroliers qui sont importés. On l'écoute. Nous sommes souvent habitués dans d'autres pays qu'il est strictement interdit que des produits de mauvaise qualité puissent être importés. Une société qui le fait, il est sanctionné. Malheureusement, au Burundi, ce n'est pas fréquent. Mais nous avons BBN, Bureau Burundais de Normalisation. Par ailleurs, quelques années, j'étais au niveau du conseil d'administration de cet organe, mais j'ai dû quitter parce que je ne voyais pas ma valeur ajoutée. C'est la raison pour laquelle il est important que le gouvernement puisse tout faire pour que la qualité qui vient au Burundi puisse être une qualité d'abord qui protège l'environnement, mais aussi qui protège les véhicules. Parce que quand le produit pétrolier n'est pas sain, sachez qu'il y a plusieurs conséquences au niveau de l'environnement, mais aussi au niveau de la qualité, au niveau des véhicules. Parce que les véhicules s'usent vite au niveau de leur système d'alimentation. Rendons-nous en province Kayanza où chaque commune de cette province est dès ce mercredi dotée de deux psychologues qui sont chargés d'identifier les problèmes psychosociaux des élèves en particulier de la communauté en général. Eric Hassabomoutima, le chargé des services cliniques au sein de l'association des psychologues sans frontières qui a mis en place cette structure, a fait savoir que le choix de la province Kayanza n'est pas en fait du hasard, mais émane plutôt du fait que cette province enregistre beaucoup de cas de suicide et d'abandon scolaire. Le point avec Patrick Senghioumf. L'activité consiste à implanter des intervenants psychosociaux au sein de la province de Kayanza, là où on a pris dans toutes les communes des intervenants dans chaque commune de la province de Kayanza pour qu'ils essaient d'assurer la prise en charge des malades mentaux, l'écoute des élèves, l'entretien et la motivation des élèves. Ce qui nous a poussé à implanter ces services au sein de la province de Kayanza, nous avons remarqué que dans la province de Kayanza, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale, des troubles, des cas de suicide, des cas d'abandon scolaire sans motif valable. Alors, on va essayer de détecter avec ces intervenants, on va les renforcer les capacités pour qu'ils essaient d'écouter d'une façon empathique les élèves, pour qu'ils les aident à mieux comprendre les santé mentale, les signes et les symptômes, pour qu'ils essaient de se prendre en charge. Les intervenants vont prendre une école, ils vont lancer des séances d'animation, et puis ils vont écouter les élèves qui sont en difficulté. Par exemple, un élève peut avoir 80% au cours du premier trimestre, et puis le deuxième trimestre, 40 ou 35%. C'est que l'élève a des problèmes à la maison. Il y a ce qui ne marche pas dans sa vie psychique. Alors, les intervenants vont alerter la famille, vont faire une descente dans la communauté, dans la famille, pour qu'ils essaient à écouter le profondeur de l'élève, le problème qu'il a, pour qu'ils essaient de se relever. Au sein de l'association des psychologues sans vacances, nous avons préconisé que chaque intervenant va essayer de prendre sa commune, parce que nous avons pris des intervenants qui habitent et qui sont des natifs dans la commune. On va aussi innover la clinique mobile pour que les gens qui auront besoin de traitements médicamenteux auront accès facilement dans la province de Kayanza. Et oui, c'était Eric Hassabomoutima, le chargé des services cliniques au sein de l'association des psychologues sans vacances, au micro de notre confrère Patrick Senghioumva. Restons dans cette province de Kayanza, où le retard de distribution des engrais de type Bagara reste un défi pour les cultivateurs de la commune Muruta de cette province de Kayanza. Il signale que les préparatifs pour la saison culturelle B se déroulent bien, mais manquent quelques engrais organominéraux de fumier. Il demande aux chargés de distribuer les engrais de le faire à temps pour démarrer les semis. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Ce cultivateur explique que dans cette saison culturelle B, il plante des pommes de terre et aujourd'hui il sème aussi des maïs. Il signale qu'il manque le type d'engrais appelé Bagara pour leur culture. Nous sommes en train de nous préparer pour la saison culturelle B en utilisant d'abord le fumier organique en attendant la distribution de l'engrais chimique. Les uns ont déjà commencé à préparer où on va semer le blé car c'est une culture que nous priorisons. Même que les pommes de terre, y compris même la culture du maïs. Nous sommes en train de cultiver des pommes de terre, haricots et en fait la préparation des cultures et du blé appelée la planification de la saison culturelle. Il demande aux services chargés de distribuer des engrais chimiques de faire la distribution à temps pour que la production augmente. Maintenant, ce qui nous manque, c'est l'engrais chimique car c'était la saison de la semence des haricots. Mais nous n'avons pas d'engrais chimique. S'il était disponible, nous étions sur le point de semer, mais pas d'engrais chimique. L'engrais chimique a été distribué, mais en quantité insuffisante. Nous ne nous sommes pas servis tous. Nous avons reçu d'avance un engrais chimique Imbura, mais pas à 100% comme nous l'avons voulu. Et nous avons souhaité d'avoir l'engrais chimique Bagara, et nous n'avons pas eu l'occasion de l'avoir. Adeline Yonsaba, directeur provincial de l'agriculture et élevage dans la province de Kayanza, confirme bien qu'ils n'ont pas eu l'engrais Bagara, même si les autres types d'engrais ont été distribués. Nous sommes toujours en contact avec les responsables de la société FOMI. Actuellement, nous avons déjà reçu pour l'engrais FOMI Imbula. La quantité déjà reçue est autour de 61%. Par rapport à la commande, pour l'engrais FOMI Totaza, la quantité déjà reçue avoisine autour de 33%. Par rapport aussi à la commande, pour les engrais de type FOMI Bagara, la quantité déjà reçue de la province de Kayanza avoisine autour de 11% par rapport à la commande. Et quand elle a dormi, la quantité déjà reçue avoisine autour de 85%. Donc vous entendez que nous avons déjà reçu une très peu quantité pour les engrais de type Fomi Bagara et Fomi Totaza. Ces agriculteurs de la commune Muruta précisent que si les engrais chimiques sont distribués à temps et si une fois le climat ne change pas, la production sera bonne. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Oui, sur Isanganiro, il est 18h passé de 12 minutes. Le journal continue. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, prévient et rappelle à ceux qui possèdent d'énormes fonds de les mettre dans les banques. Le numéro 1 burundais ajoute que s'il s'avère nécessaire, des fouilles pour la recherche de cet argent vont être organisées. C'était ce mercredi lors de la prière organisée par le Parlement. On l'écoute dans cette traduction française de Omer Douayo. Mosi mwasanze byo bihera nabigize ibipapuro niho muzovyeme niho muzokwera ko niko ndagwara ivyo bihera mwitwaza nzabigira ibipapuro hasigaye hakomeya yabene igihugu. Vous serez étonné lorsque votre argent deviendra invalide. C'est là où vous comprendrez que je suis contre la thésaurisation. Déposez plutôt votre argent dans les banques, sinon vous serez surpris. Certains croient qu'ils ont des informateurs à la banque centrale, mais un jour, votre argent deviendra invalide. Vous êtes vous-même ennemi de l'économie du pays. Ou bien que je fasse une fouille, le permettez-vous? Les députés sont d'accord. Il n'y a plus de solution. Nous sommes dans le combat avec des gens qui ont retiré l'argent à la banque centrale et le gardé dans leur maison. Ça, c'est un combat. Je vais monter une stratégie. Tout argent doit être une propriété de l'État. L'argent que vous possédez ne vous appartient pas. Mettez-le dans le circuit bancaire. Un corps d'un vieillard de plus de 60 ans, connu sous le nom de Balthazar Mbarushimana, a été retrouvé tout ce mercredi matin, 1er mars, sur la colline Nyemundu, zone Nyamakarabi, commune Mugina de la province de Cibitoke, à quelques mètres de la frontière avec le Rwanda. Le cadavre a été vu et vite identifié par les voisins, selon un témoin sur place. Le défunt avait été vu pour la dernière fois, mardi soir, dans un bar. D'à côté, le chef de zone Nyamakarabo, Elisa Nibidzi, fait savoir que les circonstances de la mort de ce père de 3 enfants ne sont pas encore élucidées. Toutefois, d'après lui, comme l'exige la famille biologique du défunt, des enquêtes sont pour le moment en cours pour connaître les mobiles de cette mort. C'est une brève que nous devons à notre correspondant à Cibitoke, Jackson Bahati. Rendons-nous à Moussaga, c'est dans la commune urbaine Moura, où deux maisons du quartier Kamessa, zone Moussaga, ont été emportées par la rivière Kanyosha. Un enfant également blessé dans la nuit de ce mardi. Les survivants de cet accident indiquent qu'ils ont tout perdu. Ils demandent à l'État de leur venir en aide. Un appel également lancé par l'administration de cette localité. Elle demande aussi que les berges de cette rivière soient protégées pour éviter sa déviation. Sheila Hirambona pour plus de détails. Cet appel à l'aide est celui d'un habitant du quartier Kamessa 1, en zone Moussaga, commune Mouha, un quartier surplombant la rivière Kanyosha. Comme l'indique cette dame, l'accident a eu lieu dans la nuit de ce mardi. N'eût été l'intervention de ses voisins, sa famille et celle de ses voisins auraient été emportées par la rivière Kanyosha. À part ses vies épargnées, tout ce que contenaient ces maisons ont été emportées. Ses survivants demandent à être épaulés. Un appel également lancé par un des administratifs de cette localité. Il demande aussi que les berges de cette rivière soient réparées pour éviter sa déviation. Et qui s'est manifesté sur terrain, c'est que ces accidents continuent à se manifester alors que des particuliers continuent à extraire du moellon et du sable dans cette rivière. Et parlons de ces accidents dus à l'environnement menacé. Des digues vont bientôt être construites en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi dans la province de Bujumbura sur les rives de la rivière Rusizi pour éviter des inondations répétitives causées par cette rivière. C'est l'annonce de la plateforme pour la prévention et la gestion des catastrophes. Le président de cette dernière, général de brigade de la police, Anissé Nibaruta, ajoute que d'autres actions vont être menées dans l'optique de protéger la population de cette zone à haut risque, faisant face chaque année aux perturbations climatiques. Suivez le général de police, Anissé Nibaruta, dans ses propos recueillis par Evariste Nzikobanyanga. Et nous avons soutiré les ménages qui étaient à location, à qui nous avons donné des frais de location avec l'appui financier de l'OIL. Et chaque ménage recevait des frais pour le loyer de 3 mois. On est resté dans les sites avec les ménages dont les maisons détruites leur appartenaient. Aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de ménages et nous avons demandé au ministère en charge de la solidarité nationale d'établir des contacts auprès du ministère chargé de l'environnement pour que ce dernier délimite la zone à déclarer inhabitable, surtout les localités de Mouchacha 1 et Mouchacha 2. Cette activité n'a pas encore eu lieu. Nous demandons au ministère de l'Environnement de faire ce travail le plus tôt possible pour qu'on garde dans les sites les gens qui proviennent de cette zone qui serait déclarée inhabitable et organiser un mouvement retour pour ceux qui peuvent retourner dans les zones d'origine et nous allons les accompagner avec des kits retour. Et on va tirer un plan de l'illocalisation de ces ménages qui ne peuvent plus retourner dans la zone qui serait déclarée inhabitable pour la construction des maisons à ces ménages dans les terrains qui sont déjà rendus disponibles par le gouvernement à Rumonge, à Kavezi et à Mobimbi. Et dans cette localité, avec PNUT, nous allons aménager des digues de part et d'autre de la rivière Rusizi sur une distance linéaire de 2 km et ça va permettre aux eaux de la rivière Rusizi de rester dans le lit pour ne plus envahir les ménages de la localité et de Gatumba. Parle, rassure-moi. Le discours de mépris envers l'autre groupe est utilisé pour stigmatiser afin d'arriver à exclure sur le terrain politique. L'enseignant-chercheur en histoire Eric Ndeissaba indique que cela a de graves conséquences, surtout dans un contexte post-conflit comme rallumer la guerre. Selon ce chercheur, les gens devraient aller au-delà des différences et considérer plutôt ce qui les unit. Le point avec Ornella Mucho. L'acte de mépris constitue une forme de violence verbale entraînant un mal chez le ou le méprisé. L'enseignant-chercheur en histoire Eric Ndeissaba explique que l'utilisation des discours de mépris est l'une des stratégies politiques pour rester seul sur le terrain politique. La cause, c'est qu'à un certain moment, je dis l'exemple de nos pays, le mépris devient en fait une sorte de stratégie politique pour discriminer l'autre, pour discriminer les autres. C'est-à-dire rester seul sur le terrain politique, dans le contexte de mobilisation, dans le contexte de campagne politique, etc. Eh bien, il y a l'objet principal, c'est la compétition politique. Donc, je vais dire dans nos pays. Ailleurs, on a par exemple des conflits religieux, etc. Mais dans le contexte de la région des Grands Lacs, à un certain moment, l'ethnie est considérée comme un des moyens pour en fait conquérir ou garder le pouvoir. Le mépris en fait devient une sorte de stratégie politique pour discriminer l'autre, pour l'empêcher de continuer sur la même ligne, pour l'empêcher de continuer sur le même terrain. En d'autres termes, avoir intérêt à soi, c'est-à-dire avoir un cadre à soi pour des ambitions politiques. Ce genre de discours divise les groupes et petit à petit, ça rallume la guerre. La violence qui commence par des mots, et vous savez l'importance des mots en termes de mobilisation des masses dans le contexte de société fragile où le groupe sauvé est important, où le chef sauvé est leader, etc. Quand on voit des conflits violents, des crises ouvertes, ça commence toujours par des mots, ça commence toujours par des stigmatisations, des stratégies qui méprisent les autres, qui discriminent les autres. Eh bien, le risque est que les groupes peuvent s'affronter. Ça s'entretient, on l'a vu dans l'histoire de nos pays. Selon ce chercheur, les leaders d'opinion doivent avoir cette responsabilité morale de penser à la culture de la tolérance et de la négociation pour gérer des conflits. Pour gagner la confiance, il faut qu'en fait, les gens comprennent que nous avons beaucoup de choses en commun par rapport à nos différences. Alors, ce qui nous est en commun, c'est d'abord, nous sommes des Burundais. Avant même d'être des Burundais, nous sommes humains. La notion de l'humanité, c'est au-delà des différences, c'est au-delà des compétitions, c'est au-delà de ce qu'on peut considérer comme différences. Eh bien, comprendre que après la compétition politique, après les passions dans les groupes, nous avons d'autres choses qui nous sont chères. Nous habitons le même quartier, nous fréquentons la même paroisse, etc. Eh bien, il y a la responsabilité morale du leader. Je suis leader, mais qu'est-ce que j'enseigne aux membres? Comment cohabiter avec les autres? Il rappelle également qu'il faut tenir compte de la fragilité de nos sociétés et faire attention aux propos à tenir devant le public. Merci Ornella Mucho et à ton invité. Et ainsi se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Hakidimana pour sa parfaite collaboration technique. Au micro, vous étiez avec Raïssa Liliane Inamahoro. Nos programmes continuent sur la radio-télévision Isanganiro.